Vous habitez à Rio depuis combien de temps ? Nous y habitons depuis 6 mois déjà. Les enfants vont à la plage tous les jours ? Ils y vont l'après-midi, après l'école. Nous, on y va vers 5 heures et on y reste jusqu'au soir. Vous passez beaucoup de temps sur la plage ? Bien sûr. On y mange, on y travaille, on y joue au foot et parfois on y dort.